Chapitre 2 Le petit portrait. Mon père, qui était dans les aciers, avait dessein de me prendre dans ses affaires, mais auparavant, il tenait à ce que je fisse un stage complet dans un de ces instituts technologiques des États-Unis, où l'on est censé apprendre tout ce qui peut être utile à un ouvrier et un ingénieur, mais où spécialement et glorieusement, on pratique tous les sports. Je puis dire que j'étais l'orgueil de l'institution, bien que le plus cancre. La boxe, le tennis, le golf, l'équitation, la natation, l'aviron me distrayaient avec violence de la pensée de Cordélia, sans m'en détacher jamais. Je comptais les mois qui me séparaient du bonheur attendu. Entre-temps, mon père et ma mère étaient morts presque en même temps, au cours d'une épidémie d'influenza, comme on disait alors. J'accomplissais leur volonté en ne précipitant point les événements. C'était leur idée que je ne me mariasse point avant que j'eusse atteint mes 24 ans. Je ne voulais pas les contrarier, surtout après leur mort. Mon oncle, en ces circonstances cruelles, fut parfait pour moi. Il s'occupa de toutes mes affaires, je n'eus aucun ennui, bien que mes parents me laissassent une grosse fortune. Il me demanda si je voulais prendre la suite des affaires de mon père. Je lui répondis que je n'y aurais point manqué si cela avait été nécessaire, mais que puisque j'étais suffisamment riche pour faire le bonheur de Cordélia et le mien, j'avais décidé de vivre le mieux possible de nos rentes. Il me répliqua que je m'ennuierais si je ne travaillais point. Je lui répondis encore que je m'étais quelquefois ennuyé quand je travaillais, mais jamais quand je ne travaillais point. Mon oncle avait les idées d'un autre âge, qui n'a pas connu tout ce dont la vie d'aujourd'hui est pleine. Je veux parler du mouvement qui donne la santé et la beauté. Un athlète ne s'ennuie pas. Du reste, le raisonnement que je tiens là, sur le travail, n'est point nécessairement celui d'un sportsman. J'ai entendu un homme d'une grande intelligence, un homme de lettres, c'était un romancier qui travaillait 10 heures par jour, affirmer qu'il avait horreur du travail parce que le travail, en absorbant le meilleur de son temps, l'empêchait de voir la vie. Occupation prodigieuse, spectacle où ne s'ennuient que les imbéciles. Il considérait le travail comme une basse nécessité à laquelle l'humanité avait été condamnée pour on ne sait quel crime, et il disait que ceux des humains qui, par un sourire des dieux, en ayant été affranchis, le réclament à nouveau parce qu'ils trouvent les heures trop longues, méritent un châtiment éternel. Et moi, je suis de cet avis, et j'ajoute, s'ils s'ennuient, qu'il fasse du football, sacrebleu! Enfin, j'atteignis mes 24 ans et je pris le paquebot pour Le Havre. Je m'imaginais déjà Cordélia m'attendant au bout de la jetée. Il y avait 18 mois que je ne l'avais revue. Nous n'avions cessé de nous écrire dans la plus grande liberté. Cependant, dans la dernière période de mon séjour là-bas, j'avais cru m'apercevoir qu'il y avait quelque chose de changé en elle. Son cœur, certes, était resté le même pour moi. Mais sa pensée devenait incertaine. Autant dire que je ne comprenais point tout ce qu'elle me mettait dans ses lettres. J'ai dit que Cordélia avait toujours eu du penchant pour les arts, et particulièrement pour la peinture. Eh bien, c'est à propos d'un petit tableau qu'elle m'avait envoyé, mon portrait fait de mémoire, que je trouvais magnifique, qu'elle m'écrivit des choses extraordinaires, que je qualifiais avec mépris et sans trop savoir pourquoi de déliquescentes. Enfin, appartenant à un domaine dans lequel on n'avait pas l'habitude de se promener à mon institut technologique. Je me disais, Cordélia pense trop, il est temps que j'arrive. Ce que je vais lui faire lâcher ses livres, sa peinture et sa musique. Et hop, à cheval, comme dans le bon vieux temps. Mais revenons à ce petit portrait, à propos de quoi je vais sortir mes notes. Certes, je n'ai rien du monsieur qui écrit au jour le jour ses mémoires, mais je suis très heureux d'avoir toutes ces notes. Et voici comment elles ont été prises. Presque sans que je m'en doute, et comment elles ont été conservées. J'ai beaucoup d'ordre, et j'ai toujours tenu un compte exact de mes dépenses. Tous mes petits registres, je les ai encore. Or, le soir, après avoir fait mes comptes de la journée, je restais là devant mon total à rêver de Cordélia, et quelquefois, je ne refermais point le livre sans y avoir consigné quelques pensées à son adresse ou quelques réflexions à propos de sa dernière lettre. C'était souvent très simple. Ainsi, je lis, sur le compte de la journée du 25 avril 1900, 35 dollars, 10 cents, chère Cordélia, nous aurons de beaux enfants. Ou encore quelque chose de plus simple encore. Le 30 mai de la même année, 25 dollars, 10 pence, chère, chère, chère Cordélia. Et voici les notes à propos du petit portrait. J'ai reçu aujourd'hui mon portrait peint par Cordélia. Il est frappant de ressemblance. Rien n'y manque, pas même la marque que j'ai gardée sous le sourcil droit d'une chute malheureuse que je fis sur l'angle d'une marche quand j'avais 8 ans. Je perdis alors du sang en abondance et je me rappelle le désespoir de Cordélia qui jouait avec moi. Je suis sûr qu'en retraçant cette petite cicatrice, Cordélia s'est souvenue de cette heure néfaste avec émotion. Chère, chère Cordélia. Et c'est un mois plus tard que j'inscris la note suivante. Qu'arrive-t-il? J'ai reçu une lettre de Cordélia à laquelle je ne comprends rien. Elle me réclame mon portrait. Elle trouve cette peinture indigne. Je n'ai pas bien saisi si elle estimait qu'elle fût indigne d'elle ou indigne de moi. Enfin, elle prétend que tout en me ressemblant, cela ne me ressemble pas. Quel est ce charabia? Et toujours à propos de ce portrait que je me gardais bien du reste de lui renvoyer parce qu'il me plaisait à moi beaucoup, je lis encore. Cordélia m'écrit que je devrais comprendre qu'il y a autre chose à mettre dans un portrait que les lignes de la figure, par exemple le dessin de l'âme, et que, tant que l'on n'a pas dessiné l'âme dans un portrait, on n'a rien dessiné du tout. Eh bien, non, je ne comprends pas comment elle pouvait dessiner mon âme, qui est une chose essentiellement indivisible. Si elle veut dire par là qu'il est nécessaire de mettre de la vie dans un visage, je suis de son avis, et il suffit pour cela d'un certain point éclatant et bien placé dans l'œil, mais dessiner l'âme. Je vais lui demander des explications. Alors, je passe quelques autres notes qui relatent mon étonnement, toujours à propos des lettres de Cordélia, qui du reste se faisaient de plus en plus rares et de plus en plus courtes. J'ai hâte d'arriver au Havre. M'y voici. Hélas, Cordélia ne m'attendait pas sur la jetée. En revanche, un vieux domestique de mon oncle vint au-devant de moi sur le Titan, qui est un petit remorqueur faisant le service du pilotage et de la poste. Et j'appris que Cordélia et son père étaient partis l'avant-veille pour un voyage pressé à l'étranger. Bien que très endurci par les sports, je ne pus retenir mes larmes, car cette nouvelle était si inattendue et coïncidait si peu avec mes désirs que j'eus le pressentiment d'un malheur irréparable.